J'ai travaillé 37 ans comme facteur à Renan. Je commençais à crissier, je descendais sur la rue des Alpes. Je faisais du Renan, village, je faisais un petit peu. Et Cublan, ça dépend quand il manquait du monde, enfin un peu dans tous les angles. Disons, tutoyer un peu toutes les personnalités du communard. On était presque des figures. Mais à l'époque, on montait aux étages. Tandis qu'après, ça changeait, il fallait retirer à la poste. Il y avait même les colis. Si on n'avisait pas, si on n'allait pas aux étages, on faisait engueuler par la direction. On est commandé par des gens qui ne connaissent pas les clients, parce qu'on se parque derrière cette porte. Il y a un handicapé ou une mère de famille. Il n'y avait que nous qu'on savait. Alors, c'est un petit office de poste, cabanon en bois, où elle était présente. Il y en avait aussi un à Arnon Village. Il y en avait un à Chavannes. Et Cublan, Bussigny. À Bussigny, il est tout neuf, la poste. Parce que je veux dire, à l'époque, j'aimais bien monter à Bois-Genoux. Parce que là-haut, il y avait un beau restaurant. Puis un bel endroit, un beau parc. Moi, j'aimais bien à Arnon Village. Parce qu'ils ont fait un petit étang en haut qui était très agréable. Et il y a quelque chose à ce Renan Village qui est, enfin, que moi je ressens assez fort, comme, je ne vais pas dire un peu mes tripes, mais on sent que c'est un peu la base d'une certaine société là-bas. Plus, à mon avis, que la place qu'il y a devant la micro, là. J'étais enseignante à Renan, et notamment pendant 20 ans, passé 20 ans, j'ai eu des classes développement à Renan Village. Mon ancien collège, c'était l'ancienne maison de commune où il y a eu des tas de Renanais qui ont passé à l'école enfantine là-bas. C'était des toutes petites classes. Il y avait une Madame Brocard qui était à l'école enfantine que je n'ai pas connue. Donc. Mais voilà, et cette maison maintenant, ce collège du village, bon, il était plus apte à l'enseignement, mais on pourrait en refaire aussi quelque chose de bien. Moi, je suis arrivée à Renan en 1977 parce que mon mari était aussi enseignant. Et à l'époque, on devait déménager sur la commune où on enseignait. Alors, c'est des bons souvenirs. On avait été à l'époque demandé que le syndic de l'époque, qui était, je crois, M. Negelet, se porte garant pour qu'on ait l'appartement, comme on était enseignant puis qu'on devait venir ici. Donc, ça avait été un entretien très sympathique. Et puis, on s'est plu à Renan, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau des habitants. Alors, Renan avait la réputation d'être très ouvrier et puis qu'il y avait des tas de problèmes de, comment dire ça, de délinquance par rapport aux jeunes. C'était un peu les mauvais garçons. Enfin voilà, c'était un petit peu, ce qui était négatif venait un petit peu de Renan, tandis que Puyi, c'était un petit peu les hautes sphères, comment dire ça, parti radical et libéral et... Et voilà, de l'industrie, enfin voilà. C'était ceux qui avaient de l'argent, puisqu'il n'y en avait pas, pour résumer les choses. Il y a tout autant de problèmes ailleurs qu'à Renan, je pense. Simplement, les problèmes sont différents. Malgré tout, en parlant d'ambiance, je trouve que Renan a évolué beaucoup dans le bon sens, au niveau culturel, par exemple. Parce qu'à l'époque, quand on est arrivé, ben, il n'y avait que le cinéma. Il y avait deux cinémas, il y avait le Lumen qu'on vient de détruire, là. C'est dommage qu'on détruise... toutes ces maisons, je sais pas, je pense du début du 20e, qui ont un certain cachet, qui sont jolies, et pourront refaire des blocs de béton, comme il y a au sud de la gare, ou à la route de Crissier. Enfin voilà, ça je trouve que c'est dommage. Et le Lumen, j'aurais voulu qu'il le garde. C'était quand même un morceau très important du patrimoine de Renan. Il y avait un cinéma aussi là derrière, à l'époque. Le Corso, c'est vrai. La place du marché, par exemple, qui était quand même donc un espace avec pas mal d'arbres, hein, avec des plates-bandes. C'était un lieu tout à fait convivial où les gens se rencontraient, se parlaient tout. Et puis maintenant, bon, avec des dalles partout, sans arbres, ben, c'est pas la même chose. Et puis on a souvent donc, ce qu'on appelle des îlots de chaleur, là. Surtout que, donc, avec les grandes chaleurs. Et ce que je regrette également, c'est que le soir, il n'y a pas d'animation. Donc c'est une place, au fond, donc, qui n'est pas animée comme elle se doit. Hein. C'est un peu ça que j'aimerais dire. Il y a des gens, mais ce n'est pas la même chose avec si on avait donc, des restaurants, des locaux. Donc une place à l'italienne, au fond. Je crois que ce n'est pas le cas. En tout cas, à partir donc, de la fermeture des commerces, ben, la place est vide. Et en tant qu'Italien, je n'arrive pas à le concevoir. Les places, pour moi, c'est un lieu vivant, où les gens se parlent, se racontent des histoires, jouent. Et, ben, tout ça, non, il n'y a pas. Ça influence notamment donc, au niveau des rencontres, au niveau de l'échange. Qui n'existe pas à partir de 19h ou 20h. Ça a quand même donc une influence sur les relations. En tout cas, j'ai l'impression que les gens donc, qui habitent du nord de Renan ne viennent pas au centre-ville à partir de 18h, 19h. Ils vont plutôt du côté de Prilly, je dis n'importe quoi, ou du côté de Lausanne. Et la place des marchés, j'aime pas comme ça. Parce qu'avant, il y avait des arbres, il y avait pour s'asseoir, pour reposer un petit peu, mais maintenant, il n'y a rien. Seulement les garçons qui voient. J'aime pas la place maintenant. On a démoli beaucoup de maisons, on a fait des nouveaux, complètement changés, oui. Alors, pour moi, ce qui fait donc référence dans la vie de Renan, c'est la gare. C'est la gare, parce que la gare est un lieu d'échange, hein, de rencontre, de va-et-vient. Et puis, l'évolution de cette gare est quand même donc un élément tout à fait remarquable. Quand je suis arrivé à Renan, pour moi, la ville était divisée en deux. Il y avait le sud et le nord. Et puis au milieu, cette gare. Et en plus, cette gare comportait des caches, de sortes de, je ne sais pas comment il faut appeler, de murs. Donc on n'arrivait pas à voir la gare, mais aussi de l'autre côté de la gare. Alors avec donc, la nouvelle gare, on a supprimé ces caches. Alors on voit très bien donc, la gare, on voit le rayon vert, on voit les gens donc, qui attendent le train, puis on voit de l'autre côté, puis d'un coup pour moi, donc, c'est comme si la ville n'était plus séparée, mais était donc maintenant une ville tout à fait ouverte, donc, sans séparation physique comme c'était le cas avant. Et qui a justement donné la pression d'une ville coupée en deux, un peu comme le mur de Berlin.